Mais dis donc, ça fait deux fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant vous venez là. On est là.